Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes de mars. Oui. Et pour le 4 mars, ben, nous venons vous souhaiter bonjour, terriens, terriennes, sécairéliens, sécairéliennes, et les autres qui n'ont pas payé leur carte de membre. Que faites-vous à écouter CKRL? Courbez la tête. Baissez les yeux. Et prenez un papier et un crayon et écrivez ceci. Et pendant la journée de ce lundi, devenez membre pour $25 et soyez légal. Sinon, nous risquons de venir vous chercher, nous, les Martiens. Et vous reviendrez plus sur Terre. On va faire des expérimentations sur vous. On va prendre vos cortex cérébral en cherchant pourquoi vous ne voulez pas être membre. Encouragez une belle radio communautaire qui travaille avec vous et pour vous depuis des années et des années. 1974. Février 74. Alors bon, nous ne voulons pas non plus entrer dans le temps d'antenne de l'émission Errance Rénaldienne, parce que nous, les Martiens, Martiennes et les autres, avons des protocoles, contrairement à vous, terriens, terriennes. Alors, en ce beau 4 mars 2024, monte le volume. Aujourd'hui, le lundi 4 mars 2024, monte le volume et la différence. Car c'est parti, mes amis. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Quelle fin! Quelle fin intéressante! Pouvons-nous la réentendre? Non? Oh oui, nous pouvons la réentendre, d'accord. On y va. Parce que j'ai été revenu. Hey, wow, wow, wow, wow! Ne vendez pas les punch des anciennes chansons, des chansons à venir, là. Attendez un petit peu. On va laisser un petit 5 secondes. Ça vous dérange pas 5 secondes dans votre vie, madame? Non? Moi non plus, ça tombe bien. OK, non, mais je croyais que la chanson était terminée, mais j'ai pas regardé... Parce que le décompte ici, là, on est des professionnels, on y va. Tout ça pour ça, c'est pas extraordinaire. En 2024, entendre ça, des respirations indéterminées, étranges, comme Line E. Vous l'avez remarqué? Hein? Oui, je sais, vous l'avez remarqué qu'on l'a pas entendu, Line E. Alors allons-y. Line in. Une semaine sans toi, c'est une semaine sans vibration amoureuse dans mes tympans qui touche et embrasse ma matière grisonnante autant que mes cheveux. Quel âge as-tu, Rénal? Dit-elle. À son emmerdeur. C'est qui son emmerdeur? Ben, c'est Rénal. Oh mon, méchant emmerdeur, ce gars-là. C'est tellement emmerdeur, cette chose terrestre. Parce que là, on a parlé à des martiennes, il était des martiens, mais avez-vous déjà fréquenté des martiennes, monsieur? Vous êtes en couple depuis 42 ans? Une martienne, là, c'est pour la vie, comme votre femme. Mais beaucoup plus roucouleuse. Ah, mon Dieu, ce n'est pas son défaut. C'est sa grande qualité d'être roucouleuse. Si vous avez des tourterelles, des toutes belles tourterelles qui vous réveillent le matin, c'est comme un moteur qui ne veut pas partir. À un moment donné, elle tranquillise. Tu dis, elle va s'arrêter. Mais non! Elle remet un peu de pouvoir là-dedans. Là, tu dis, voyons donc, c'est comme quand tu joues à la roue chanceuse. Tu sais, il y en a qui, avez-vous écouté, une fois dans votre vie, dépendant d'où vous êtes sur la planète, là, parce que c'est en balado-diffusion, je peux écouter, être écouté au Népal, au Brésil, il y a des francophones n'importe où sur la planète, puis même sur Mars. Beaucoup de Québécois sur Mars. Ils ont évalué en 2017 que 25% de la population martienne était des Québécois et des Québécoises. Ensuite, c'est des États-Unis, quelques Belges. Et parsemés ici et là, hein, à travers la couche Martienas, Martienis, Martianus, Martiamis. On dirait c'est une prière à Martienis, Martienus, Martienis. Martienas, Martienus, Martienis. Martienus, Martienas, Martienis. Martienas, Martienus, Martienis. Nis, nis, nis, nas, nas, nous, nis, nas, nous, nis, nas, nous, nis, nas, nas, nas. Ou nas, nous, nis, nas, nas, nous, nis, nis, nas, nous, nis, nas, nis, nas, nis, nous, nas, nis, nis, nous, nas, nis, nis, nas, nis, nas, nous, nis, nas, nis, nis, nous. Sas, nis, nis, nis, nous, as, nis, nas, nous, snai. Hein, c'est merveilleux. Moi, je parle le martien depuis ma jeune enfance. Pas ma vieille enfance, parce que ma vieille enfance, là, je commençais la Pepperman. Puis, c'était la Pepperman biberon, là. Ma mère, elle voulait déjà me préparer à me placer du lait mammaire. Ma mère avait son lait personnel. Comme elle était une grande consommatrice de Pepperman, elle en mangeait, et bien sûr, ce que l'enfant boit, ou le nourrisson, ou le vieux vicieux, tu sais, le vieux vicieux, là, j'ai soif, ok. Mais en tout cas, on va prendre les enfants, là, ok, on peut, là, aller plus loin dans les délires, mais ça reste dans l'intimité. Mon intimité? Tinga motanya mawai. On est parti depuis hier au château Frontenac. Moi et ma bonne femme. Ah, c'est une bonne femme. C'est une très bonne femme. Elle me faisait du sucre à la crème là, aux deux jours avant, là, à l'époque où j'étais d'époque. Aujourd'hui, elle m'en fait si ça lui tente. Ça lui tente souvent. Ah oui, elle aime bien me faire plaisir. Puis moi, en retour, moi, je suis un chanteur, un ancien chanteur ténor, moi. La chanson à rengaine qui reste accrochée au cœur sur son parcours. Tu fais la chanson, tu embellis le monde. Tu fais la chanson pour endormir un enfant. Et quand il grandit, tu lui donnes des rondes. Tu fais un métier si joli et pourtant tu fais la chanson militaire qui gronde. Et tu fais des hymnes au pays combattant. Je ne comprends pas pourquoi les hécatombes se font sur la terre au rythme de ton chant. chansons d'amour, les chansons de soleil, et ce sont vos tambours qui font mes mélodies, toutes chargées de nuit. Tu fais la chanson qui fait pleurer les filles, tu fais la chanson triste comme l'ennui. Tu fais la chanson qui fait danser les villes. Tu fais la chanson pour tous ceux qu'on oublie. Tu fais la chanson qui fait bercer les chaises. Tu fais la chanson à succès. Au fond des tiroirs, des orchestres se taisent. Tu fais des chansons qu'on n'entendra jamais. Tu fais la chanson pour les hommes en prière, des chansons de paix douces comme des fleurs. Mais tu fais aussi des chansons pour nos guerres et des symphonies de violence et de peur. La chanson de la nuit. Les hommes, mon ami. Ah oui, vous m'entendez, vous dites, ouais, la voix n'est pas si grave. Non, c'est vrai. Mais j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu beaucoup de voix, autant que de cheveux, mais je reste l'homme le plus intéressant au monde, selon mon épouse. Sans torture. Non, je la torture pas. Moi, je suis pas né dans le temps où on faisait mal aux gens. C'est quoi la guerre? La guerre hitlérienne. J'ai connu ça, mais moi, j'ai jamais fait mal à ma femme. Je respectais trop notre complicité et je respectais trop aussi l'aide qu'elle était. Puis l'aide qu'elle est toujours. Mais elle s'est bonifiée avec les années. Oh mon Dieu! Je l'appelle mon Chateaubriand. Connaissez-vous le Chateaubriand, vous? Avez-vous voyagé un peu, pardon? Oui, il me s'est enfargé la garlotte. Oui, ça se noue. Ça se noue entre moi et elle. Je parle de la garlotte, là. Puis elle se torve elle-même. Elle se tord elle-même. Oui, mais ça, c'est le verbe tord. Il y a deux verbes là-dedans, là. Il y a le verbe torver et il y a le verbe. Attends un petit peu, là. Qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles d'un cauchemar magnétique? Non, mais il y a Torvé, et puis il y a Hervé Toussaint, le chanteur de Ballonium. C'était du progressif. Et ça, c'était plus progressif que ça, là. Ma femme me récoltait souvent à l'oreille, parce qu'elle me récolte. Ah, mon Dieu, j'ai pas juste du poil dans le nez et dans les oreilles, moi. J'en ai partout sur le corps. Puis, je comprends pas pourquoi aujourd'hui, hein, on veut s'épiler. Ben, voyons donc, garde ce poil-là, que tu sois homme, femme. Du poil, c'est du poil. Pourquoi avoir honte de notre Oui, hésite pas, ne coupe pas. Coupe dans le gras. Bon, dans Paparman extra maigre, je te la conseille pas parce qu'elle est dure sa dent. Ben, Satan aussi. On s'attend pas que Satan aime le Paparman, mais on me l'a dit, mais lui, c'est très, très, très, très forte, la Paparman. Parce qu'il utilise le truc de la Paparman pour, après ça, cracher du feu. Crache pas du feu de même, là, lui, à l'origine. Là. Il y a comme un petit foyer à l'intérieur du gorgeon. Puis là, quand il prend sa Paparman extra forte, ça met le feu au gorgeon. Puis là, c'est le clou du pack. C'est comme les cracheurs de feu. Moi, je suis un cracheur de bière. Ah, mon, je te crache le houblon. Là, je te divise ça, moi. Houblon et puis la petite mousse. Non, la mousse, c'est ailleurs. Puis, ouais, ailleurs où? Ben, ailleurs dans mon corps. Là, ça dépend le circuit dans lequel. Parce que lui, il choisit son circuit nerveux comme il le veut. Fait que moi, je suis là pour rien, là. Ben, en fait, je suis là pour laisser sortir tout ça. Je suis comme le médium extra large. Un peu comme la pizza que j'aime bien manger le vendredi soir. J'aime ça. Pizza, là, pepperoni, fromage, oignon. Puis quand je vous l'ai déjà raconté, hein, je suis allé à un moment donné, en été, j'utilise un scooter. Hein, c'est merveilleux. Je suis autonome parce que j'ai un scooter. L'hiver, je ne suis pas autonome parce que j'ai des pieds. Oui, mais en été aussi, tu en as des pieds. Oui, mais je marche moins, je roule plus. Donc, je fais plus de kilomètres, faire plus de choses en moins de temps. Puis tout le reste, là, de la temporalité que j'ai à ma disposition, je peux la consacrer à mon émission. Je suis toujours là-dedans, moi aussi. Quand je réfléchis à mon émission. Quand ça va mal, je me dis, bon, écoute, j'écoute de la musique pour sortir quelque chose de bon depuis... Ça fait combien d'années que je fais ça, madame? Trop longtemps. Ah, vous êtes pas gentil, vous? Attendez, vous êtes pas gentil, madame, mais savez-vous quoi? Je vous aime quand même. J'suis un sado galo-mano, la mayonnaise extra, s'il vous plaît. Extra mayonnaise. Excusez-le. Quelle voix vois-tu pour elle? La voix de l'avenir, la voix du succès et la voix de l'amour. Hello, hello, hello. merci. Oui, merci. Allô? Allô? Allô? Si un enfant, si ton enfant te demande, imagine-toi, dessine-moi un hello. Dessine-moi un halo. Pas un halo là, au-dessus de la tête comme un sang, comme une âme pure et limpide, comme la mienne. Moi, j'ai la virginité jusqu'au bout du halo. Mais si ton enfant te demande, dessine-moi un halo, tu sais, comme bonjour, halo, halo, OK? Qu'est-ce que tu vas faire? Là, j'en vois deux qui me disent « Ouais, ça me dérange pas, moi, j'ai pas d'enfant. » Oui, mais, exemple, l'enfant de ta copine. « Ouais, pas de copine. » Oui, je sais, OK. Un ami ou une amie, un enfant, puis tu le gardes. « Je veux pas garder d'enfant. » OK. Non, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Il y en a des énergumènes comme ça. Dans une société, on retrouve de tout. Dont ce genre d'individu-là. Alors, écoute-moi, là, toi, genre d'individu. Tu t'en vas prendre une bière chez un ami, puis cet ami-là a une femme, puis un enfant. Ouais, mais s'il n'y a pas de femme, OK. Tu vas prendre une bière chez un ami, puis un enfant. Oui, c'est à qui cet enfant-là? Ben, c'est à lui. Ouais, mais sa femme est où? Ben, t'en veux pas, fait que je l'ai enlevé. Non. Sa femme est partie où? Ben, elle est partie faire des achats. Pourquoi c'est les femmes qui achètent? Non, mais. OK. Alors, tu t'en vas chez ta sœur. Oui. Puis ta sœur a un enfant. Oui, mais son enfant a 26 ans. Ah, tabac. Hey, écoute bien, là. OK, tu t'en vas chez quelqu'un, puis il a un enfant. Oui. Je vois que tu prends une heure, donc je vais me tranquilliser un peu le morceau. Oui, tranquillise-toi le morceau, là. Mange la pâte. Oui, maman, okay. Oui, j'arrive sur place. Bon, OK. Là, t'es avec... Oui, je suis avec l'enfant, puis la personne X, là. Personne X, mais en tout cas, peu importe là, la personne qui a un enfant. Bon, OK. Puis là, tu parles avec l'autre, avec la personne X, oui, parfait. Et l'enfant te demande, dessine-moi un halo. Ah, OK, dessine-moi un halo. Quel halo? OK. Quand tu t'en vas à quelque part... Oui, chez le X, là, avec l'enfant qui dit « Hello, dessine-moi un hello. » Non. OK, t'es en... Ça devait être facile, cette affaire-là, là. T'es à l'aéroport. J'aime pas ça, les avions. OK. T'es dans un... Tu t'en vas pour... Tu marches, OK? Tu t'en vas, OK? Tu veux que je parte? Fais donc ce que tu... Non. On te demande de faire... Un enfant te demande... de faire un halo, tu sais, bye-bye, en dessin. Ouais. En dessin. Moi, j'aime pas ça, les dessins. Moi, sans dessin? Ah oui, moi, ça, sans dessin. Ben, ça, ben, bravo, monsieur, au moins, vous avez raison. Ben, monsieur, moi, je suis ton grand. Mon grand sans dessin, en tout cas. Et puis, il te le demande, le garçonnet. Pourquoi c'est un garçonnet? Ben, la fille. Pourquoi c'est une fille? Ben, en tout cas, l'enfant te le demande de faire un halo. Oui. Comment tu vas le dessiner, ce halo-là? C'est juste ça que je veux savoir. Ah, OK. Moi, d'un, j'aime pas les enfants. De deux, j'aime pas les halos parce que moi, tu sais, halo, goodbye, il y en a le wire. J'aime pas ça. Moi, salut. Puis quand je m'en vais en voyage, parce que j'aime ça, les voyages. Mais j'aime pas les voyages, en tout cas. Certains voyages. Et puis, j'aime ça quand tu me dis bon voyage, parce que genre, ça me donne, tu sais, j'ai mon voyage quand tu me dis ça. Tu sais, je travaille, tu sais où je travaille? Chez Bougon et Frères, avec des imbéciles. Et engageuse des imbéciles. Ah, juste ça, je te dis, là, si t'as pas ton certificat d'imbécilité, ils te prennent pas. Parce que les patrons sont aussi imbéciles que les employés, là. Ça, c'est donnant-donnant. T'es un cave, on t'embauche parce que nous sommes des caves. Ah, il y en a qui s'en connaissent là-dedans, hein? Hey, c'est mon entreprise, ça, ben bravo, c'est ça! Une entreprise de caves. Tu sais, ils font de l'argent de cave, puis puis donne ça à des caves, puis vous êtes des caves, on est des caves, puis il n'y a pas de vin, parce que cave à vin, cave, non, non, c'est ça. Et puis, donc, il te demande de faire un dessin. Comment tu le fais, ce dessin-là? Hé, hey, là, tu vas, tu caves au dessin, et toi, t'en es pas un, sans dessin? Non, non, non, toi, t'as le courant d'air assez puissant. Ah oh, oui, moi, je t'es une torche humaine. Non, je suis plutôt un... pas un volcan, mais une tornade. Ah, une tornade, tornade, tornade. Toi, t'as les mots justes. Tu viens hindou, toi, moi, je suis hindou. Ah, oh, mon, tu sais, une belle place, l'hindou, l'Indonésie. Non, c'est une blague, là, de François Pérusse. Tu es hindou, je suis hindou. Ah, c'est qui, ça, François Prépus? Non, non, François Pérusse. Pérusse. Il porte-tu une Pérusse, lui? Ah, oh, il y a une Pérusse sur la tête, puis ah ouais, non, c'est... Il fait-tu des cacas? Tu es parti, là? Je suis parti, OK. Et comment ça se fait? Moi, te le dis, moi, comment je fais ça? Bye-bye, goodbye. Sans donner ce roussos, là. Ben, je fais une main. Tu sais, une main qui monte puis qui descend. Ouais, mais en dessin, comment tu fais ça? Ben, je fais une main, puis en haut, je fais des tirets, puis en bas, je fais des tirets, comme si la main faisait des hauts et des bas. C'est comme la vie, des hauts et des bas. Quand tu travailles, il y a des hauts et des bas, surtout des bas, des bas, des bas nylons, des bas. Moi, je travaillais dans le bas nylon pendant 25 ans. Ah, oh, moi, je connais ça, le bas nylon. Puis, hey, la maille, tu sais, la femme qui dit, oh, j'ai pas fait une fausse maille, j'ai fait une maille. Mais, oh, yeah, non, hey, écoute bien, là. Va te dire comment réparer ta maille, réparer ta maille, c'est pas compliqué, là. Pas besoin de savoir tricoter, parce que c'est du nylon. Puis tu dis non, c'est long à tricoter, hein? Ah, oh, mon dieu, c'est pas juste croche en avant, croche en arrière, croche tout croche. C'est croché partout, puis c'est comme... Moi, j'ai un problème d'arthritique. Ah oui, ah oui, je fais pas... Là, on m'a demandé de faire des LO. Jamais je vais faire des LO, parce que j'ai mal aux doigts, mal à la tête, mal aux joints. Ah, oh, mon dieu, mais la seule place... Où... Puis là, ça intrigue beaucoup de personnes. La seule place où j'ai pas mal, c'est aux cheveux. Savez-vous pourquoi? Regarde-moi l'imbécile qui connaît. Mais si vous n'avez pas, de cheveux, ben oui, j'ai la boule à zéro, la boule à zéro, la boule à zéro, la boule, la belle boule à zéro, la boule à zéro. Là, j'aime ça repartir, là. Zigzig avec toi, et lorsque ton corps zigzague, zigzig, toi et moi. Zigzig, quel est moi? Zigzig, oui je t'aime, j'aime ton petit corps blême. Zigzig, toi et moi. Zigzig, oh quel est moi? Big big, je vois grand, n'est-ce pas que je suis un bon zig? Big big, c'est pour toi. Big big. Mon amour est si grand que j'en fais pas le tour. Big big, c'est pour toi. Big big, quel est moi? Et allez l'orchestre. Avec toi, et lorsque ton corps zigzague, zigzig, toi et moi, zigzig, quel est moi, zigzig, oui je t'aime, j'aime tes petits sables, zigzig, toi et moi, zigzig, quel est moi, big big, je vois grand. N'est-ce pas que je suis un bon zèbre? Big big, c'est pour toi. Big big, quel est moi? Big big, mon amour est si grand que j'en fais pas le tour. Big big, c'est pour toi. Big big, qu'elle et moi. Je suis un bon signe. Big Big, c'est pour toi. Big Big, que des moi. Big Big, mon amour est si grand que j'en fais pas tout. Big Big, c'est pour toi. Big Big, oh, que des moi. Et tout le monde danse. J'entends les arbres parler et la terre se remuer. La pluie va recommencer. Ma chouette, c'est Gaétan, ta tenante principale. Pardon? Gaétan? Voyons donc, oui. La fille de Gaétan? La belle-sœur de Raymond? L'ami de ton ami? Tu me reconnais plus? Qu'est-ce qui se passe? Oui? Oui? Oui? Oui. Attends, je suis en train de prendre. Oui. Oui. Combien d'en veux? Deux. Oui. combien de jaunes tu veux? 5 jaunes? Ça, j'ai jamais vu. Oui. Moi, essayer de la faire 5 jaunes. Eh, mon doux. Oui. Comment t'es prêt à payer de 1? Parce que ça fait mal quand ça sort, là, 5 jaunes. Là. C'est pas comme... Tu vas me dire, ben oui, ça sort dans l'ovale. Moi, oui. Oui. C'est très bien, ça. C'est facile, cette réponse-là. Là. Mais l'ovaire doit, bien sûr, préparer les 5 jaunes. T'es vu du coulant au mur? Pardon? Non, pas au mur, le fruit, là, mais au mur, le... Mais ce qui t'empêche de regarder ton ouais, ta belle-sœur, qui, à chaque soir, se berce en se disant « Hey, c'était mieux avant, hein? Hey, c'était mieux avant, hein? Hey, c'était mieux... » T'as juste le goût de dire « Hey, moi, j'ai construit une boîte en carton. » Ben, j'ai monté une boîte en carton, puis à l'intérieur, il y a des manettes. Tu peux choisir le moment, OK, l'année où tu veux être télétransporté, et ça fonctionne très bien. C'est certain que ça ne fonctionne pas, là. Essayez pas ça à la maison, là. Mais comme c'est une nounouille extra sauce. Moi, je suis une nounouille extra sauce. Parce que j'aime ça, la sauce. J'aime moins être nounouille, là, mais on choisit pas d'être nounouille ou pas. Parce qu'on s'est fait tellement avoir par la société que tranquillement, on devient nounouille. Puis la nounouille devient nounouille quand la nounouille se fait nounouiller. Comment tu te fais nounouiller? Par des nounouilleux. Où sont les nounouilleux qui ils gravitent autour de la nounouille? Pourquoi ils gravitent autour de la nounouille? Pour la nounoyer. Puis pourquoi ils veulent la nounoyer? Hein? Sais-tu pourquoi ils veulent la nounoyer, la nounouille? Pour mieux la contrôler. Toute la société est faite ça, est faite là-dessus, hein? Le contrôle. Le contrôle de tout. Écoute, vas-y donc, toi, là. Vas-y, là. Comment ça? Pourquoi moi? T'sais? Puis t'es qui, toi, pour me dire de le faire? Vas-y! Ah, moi, pas le temps, moi. Pas le temps, moi. T'es en train de contrôler, là, mes hormones. T'es en train de contrôler aussi ma libido. T'es en train de contrôler ma belle-sœur. Puis, oh mon Dieu, puis elle s'est coquée. Puis, elle a cocufié pas à peu près. Elle a cocufié, elle a cocufié, elle a cocufié, elle a cocufié, elle a cocufié, elle a cocufié. Pardon? Cocufié. Oui, c'est une cocoune cocu. Coucou, coucou, coucou. Hey, puis en plus, elle a-tu cocufié son... Ah, mon... son mari? Deux fois. Hey, lui, il avait, comme je l'ai dit souvent, il avait la tête dans la guidoune. Ah oui, il ne voyait rien, là, mais il ne voulait rien voir. Puis là, à un moment donné, il s'est mis à bourgeonner. Tu sais, il parle pas. Quand il rit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis quand il cloche, c'est que tu as juste le goût de rire. Tu sais, t'as le goût de rire de lui en disant, voyons donc, t'es noué à l'intérieur de toi, de partout, délivre-toi. Mais comment il se délivre, lui? En gossant. Puis il gosse. Il gosse tout le monde. Il gosse. Tu sais, gosser, c'est aller chercher quelque chose. À l'intérieur ou à l'extérieur, mais c'est facile. Il connaît la fin. Il est comme ça. C'est un, la frustration d'être cocufié sans s'en rendre compte. Puis qu'il voit rien, il voit rien. C'est un... Non, il voit très bien. Eux, ils voient très bien. Mais lui, absolument rien. Puis en profite. Puis lui, ben quoi? C'est un cocu. La carte qui accompagne le bouquet que j'envoie à ma blonde. J'écris ton chum qui t'aime, t'envoie des marjolaines. J'aurais peut-être pu trouver mieux ou du pareil au même. Mais mes fleurs se seraient fanées avant que je l'aie trouvé. C'est pas mon fort, les métaphores, les mots d'amour. Mais la carte qui accompagne le bouquet que j'envoie à ma blonde. Impossible d'écrire dessus, elle est tout imbibée. Car je pleure depuis le jour où je sais que ma blonde me trompe. Aujourd'hui, je suis plus capable d'en prendre autant qu'avant. Ça fait que je brûle parce que couronne la testament. cocu. Je suis cocu. Qu'est-ce qui me prend d'envoyer des fleurs? C'est elle qui joue avec mon cœur. Je suis dans ben cave. Je cocu. Je suis cocu. Faut croire que mon orgueil est mort sous mon amour, tellement je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime encore. Eh oui, je suis cocu, ça fait mal. J'ai honte. Il me semble que lorsque je sors dans la rue pour acheter des fleurs à ma blonde, tout le monde me regarde puis ils disent: tiens, regarde-les, c'est lui! Mais je me console. C'est pas tout seul. Il y a Yves, Michel, Marcel. Les autres aussi, ils sont cocus. Bon, j'apprends, c'est moi qui les ai rendus cocus. Mais c'est toujours plus drôle dans le cas des autres que dans le nôtre. Cocu. Ah ben toi, traite-moi pas de cocu. Avec un paquet d'hommes qui rôdent autour de ta femme, t'es cocu au pluriel. Au cas où tu ne saurais pas, ta femme nous trompe. Sur la carte qui accompagne le bouquet que j'envoie à ma blonde, j'avais mis autant de mots que j'ai le cœur en morceaux. J'ai l'impression que je suis en train de vivre la fin du monde. Puis je veux pas que personne me voie comme ça, les yeux dans l'eau. Parce qu'un homme, est vrai, ça pleure jamais. Pire de tout, c'est que ma blonde est partie avec un Anglais. Puis je suis là qui charge des mots d'amour en français. Non, il y a des limites à être bonasse envers sa blonde. J'y pardonne sans plus, mais ça m'empêche pas d'être cocu. Ça fait mal à mon amour tellement c'est lourd. Je suis cocu. Cocu au plus que parfait. Je suis cocu par un Anglais. Ça se peut-tu? Je suis cocu. Je suis cocu. Mon ego en a pris un coup. Je l'entends lui dire des mots d'amour, des I love you. Ok, ok, c'est correct. Je suis cocu. Mais au moins je le sais, moi. Tu sais, au fond, un cocu, c'est un gars comme un autre. Sauf que tout ce qu'il ressent en dedans, pour la femme qu'il aime, ben, son amour, sa sincérité, sa sensibilité, sa générosité, son cœur, ses tripes, son nom. Ben, il se trouve à donner ça à la mauvaise personne. C'est ça, un cocu. S'il fallait que tous les cocus de la terre la prennent en même temps, ça serait la fin du monde. Je peux vous le dire bien honnêtement. Ça vient d'être la fin de mon monde à moi. Il me semble que je la vois des bras de l'autre gars. l'autre, l'anglais. J'en veux pas, je le connais pas. Mais... ça fait mal à maudit. C'est peut-être ma faute. Peut-être moi qui suis maladroit. Je voulais qu'on fasse. On vit d'un siècle de cocu. On se fait fourrer à gauche, à droite. Par les maires, les députés, les sous-ministres, les ministres, les présidents. Il y en a rien qu'un. On ne suis pas sûr. C'est le pape. Oui. Notre Saint-Père. Puis je suis pas sûr. J'ai des doutes. Aujourd'hui, un être très, très, très intéressant, le guitariste, l'auteur, compositeur, interprète, celui qui était la tête dirigeante du groupe, défunt groupe, Noir Désir, Serge Tessot, gay, aujourd'hui fait cavalier seul, il joue avec plusieurs autres artistes, il est multidirectionnel, un homme attachant, sympathique, comme je l'ai dit, humaniste, Serge Tessot, gay, à toi l'artiste. La confiture à des cochons. J'ai appris, si tu veux, donc j'ai monté mon label. J'ai appris à gérer un groupe dans sa structure. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi, en fait? C'est-à-dire que je deviens producteur de disques. Et en même temps, je m'occupe de la distribution, je m'occupe de trouver un tourneur, je m'occupe de la promo. Donc ils attendent de moi aussi d'un certain nombre de dates pour pouvoir bouffer. Donc j'ai appris à gérer tout ça, en fait, à mettre les mains dans le cambouis et à faire tout le boulot intéressant qui est hyper chiant à faire, mais qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Et avec donc tous ces co-compositeurs, je passais juste du temps à faire que de la musique. Et bien sûr en accord sur nos points de vue philosophiques, pourquoi on fait ça ? Politique et philosophique, pourquoi on fait ça ? C'est vraiment important. C'est quelque chose qui est... La musique, c'est une chose, mais la musique, elle est toujours en écho au monde. Le musicien, on est forcément en écho au monde. Soit on fait des choses pour gagner de la thune et on fait de la musique commerciale, hyper normée, tout ça. Très bien, c'est de la musique McDo. Ça m'a jamais intéressé. Quand j'ai arrêté le groupe, je suis allé voir la maison de disques. Je leur ai expliqué pourquoi j'ai arrêté le groupe. Et à ce moment-là, j'ai eu plein de demandes de l'industrie de la musique, d'artistes de variété très lourds, etc. J'ai envoyé chier tout le monde, gentiment, encore heureux, je suis un garçon poli. Mais disons qu'à partir de là, ça s'est très vite dans le milieu. Plus personne ne m'a jamais appelé, c'était très bien, j'avais la paix, en fait. J'étais tranquille. C'est-à-dire que c'est ça que je voulais, c'est-à-dire ce que je voulais, c'est juste comme j'ai toujours fait depuis que je suis gamin, faire ma zik. Et j'avais assez de, comment dire, j'ai toujours eu du jus pour faire mes projets et la curiosité d'aller trouver des gens qui, dans ma cartographie mentale, n'existaient pas. Et quand je tombe dessus, c'est pas forcément des hasards de la vie, mais parce qu'on les provoque, les hasards, tu vois. Donc j'ai provoqué plein de situations qui m'ont amené à bosser avec des gens très très très différents. Je suis allé en Chine en 2014, je crois, et le gars qui nous faisait tourner, enfin qui nous organisait un concert, c'est pour un festival à Pékin. Je bosse avec Paul Bloas, qui est un peintre brestois, et on a un duo peinture-musique, donc lui il peint des bonhommes de 4 mètres pendant deux bonhommes de 4 mètres de haut, donc c'est intéressant parce qu'on ne voit jamais un mec peindre comme ça en direct. Ils font ça autrefois d'électrique à Montréal. Il y a des musiciens qui jouent et il y a un peintre qui fait une fresque. Autrefois d'électrique à Montréal. Je me rappelle des foufous, mais... Ils font des soirées okay. Où il y a des musiciens qui sont là et qui jouent, qui improvisent et il y a un peintre qui lui fait une fresque. C'est génial. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est le duo guitare-peinture ou guitare-danse. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interaction sur scène entre les gens avec qui je suis et moi, donc. Entre les arts aussi. Et entre les arts. Alors, c'est compliqué parce que la peinture, c'est un art qui reste fixe. C'est-à-dire qu'une fois que l'heure est passée, les peintures sont là. Ouais. Alors que la musique, c'est volatile. C'est dans l'instant présent. Dans la dixième de seconde d'après, elle n'est plus là. Si ce n'est pas enregistré, c'est foutu. J'enregistre pas mes improvisations, non, okay. Ça, c'est pas du tout commercial. Dans l'état d'esprit dans lequel je travaille, ça n'a aucun intérêt. Okay. Je pense qu'en plus, on ne fait pas la même musique quand on fait de l'improvisation, quand une musique qui doit être jouée dans l'instant même, elle est en écho au moment. C'est-à-dire, je ne sais pas, le temps, s'il y a des animaux, si l'état des gens, si toujours en fait. Ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu, ce qu'on a lu, les choses qui nous ont choqués, les choses qui nous ont mis en colère, les choses qui nous ont apporté de la joie, je ne sais rien, tu vois. Mais donc, ce n'est pas des choses qui sont destinées pour moi à être fixées sur des enregistrements spécialement. Généralement, ce n'est pas très bon. Mais par contre, c'est des moments qui sont importants parce que moi, en tant qu'auditeur, quand je vais écouter un concert de musique improvisée, ce que j'aime, c'est participer au moment de création. Et c'est aussi important que l'acte de création en lui-même. Le fait de participer à l'acte de création en tant qu'auditeur. C'est une t'es là, ça se reproduira plus. Voilà. Et c'est, en fait, c'est une grosse partie de l'appréciation du moment, je trouve. Parce que réécouter des enregistrements qui sont improvisés, souvent, c'est pas bon. souvent on se dit bon bah ouais ok mais bon en fait ce qui est important c'est le moment. Et donc avec Blois c'est Blois ou la danse et d'autres choses aussi. C'est sur je reprends l'énergie des gens en fait qui sont avec moi. Avec la danse c'est. Ou avec Blois on ne se parle pas de ce qu'on doit faire, jamais. C'est-à-dire qu'il y a. Je pense qu'il y a une entente au niveau de l'énergie. Mais c'est des arts qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, finalement. Tu peux très bien parler de couleurs, évidemment. Je parle de musique, je parle de couleurs, je parle d'ambiance, d'ombre, de soleil, de, tu vois, des choses comme ça. Mais les choses passent d'une autre façon, en fait. Puis chacun il prend ce qu'il a à y prendre, et c'est ça qui est bien. Et donc, je me retrouve à Pékin en 2014, et pour une semaine. Et Johan Godin, le gars qui nous invite, et il me dit, ben, il y a un festival dans tout Pékin, il y a pas mal de groupes européens qui jouent. Je dis, ça m'intéresse pas. Je peux les voir en Europe, je vais me faire chier, je me connais. Je suis pas en vacances. Je viens ici pour une semaine. Je suis pas dans un état d'esprit de vacances et je suis, en fait, je suis quasiment jamais. Donc je me connais, je vais acheter des bières, je vais retourner dans ma piole d'hôtel, je vais jouer de la guitare toute la journée, je vais sortir 2 heures par jour et me perdre dans la vie, et très bien. Mais en fait, ça, c'est pas ça que j'aimerais faire, s'il te plaît, trouve-moi des solos. Je même dans la rue, je m'en fous, j'ai envie de jouer. Et en fait, mes premiers solos, ça a été à ce moment-là, en 2014, mon premier solo, c'est à Shanghai. Ils m'ont organisé une tournée, comme ça, en solo, dans des lieux, dans des clubs. Et j'ai commencé à faire de la guitare solo, sans parole, sans rien, hein, c'est que instru, à Shanghai en 2014. J'ai commencé à ce moment-là à développer, je réponds des fois à des demandes de guitare solo, en dehors de mes solos avec des peintres. Mais là, c'est vraiment, je suis seul. Et donc c'est ça, c'est cette idée que la musique doit être jouée le plus souvent possible. Ouais. Être là dans ce lieu-là avec le musicien. Sinon, c'est foutu. Hein? C'est ça. C'est le musicien est là. Tu fais partie de cet événement-là. Donc, c'est. Ouais, c'est le moment. Vie. C'est le moment. Puis, en plus, tu vois, j'ai. À partir du moment où j'ai mon label, j'ai fait beaucoup de sorties d'albums. J'ai fait beaucoup de projets. J'avais une dizaine de projets par an que je démontais, que je montais. C'est-à-dire que j'aime arrêter les projets aussi. C'est beaucoup. Ouais. Mais je m'arrête pas, donc... Ouais, c'est ça. Donc, les projets en appellent d'autres, et il y a un moment... Je trouve qu'il y a une durée naturelle de vie d'un projet. Okay. Et ça, c'est important de le savoir aussi. Il y a un moment où il faut qu'on arrête pour pouvoir passer à autre chose. Et du moment que tout le monde est satisfait avec les gens avec qui je travaille, disons que je donne une échéance. Il y aura une tournée, il va se passer une sortie d'album, il y aura une promo, etc., tout le bazar. Très bien. Mais 2 ans plus tard, soit on joue à la demande, soit le projet s'arrête, en fait, pour laisser place à d'autres choses, donc d'autres énergies, d'autres temps. Et donc, je me retrouvais très bien pour une semaine type, si tu veux, chez moi, avant le Covid, on va dire, pendant 20 ans. Donc, c'est un temps assez long, quand même. C'est d'une part 95% de mon travail, c'est que de l'improvisation. Donc c'est composition en temps réel avec les gens avec qui je me retrouve sur la journée. Donc je me retrouve par exemple un mardi avec Paul Blois. Le mercredi, je suis dans une autre ville avec Joël Léandre, contrebassiste et musicienne extraordinaire et grosse influence pour moi, qui est mon aîné, elle a 73, je crois, 73 ans. Là, dernièrement, à New York, en juin, il y a les Afro-Américains qui ont fait dans le cadre d'un festival afro-américain de musique improvisée à New York, ils lui ont fait un hommage, donc elle est venue, elle a joué en quintette. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose comme 180 albums. C'est quelqu'un que j'admire vraiment et qui a tenu à jouer avec moi. J'étais hyper étonné parce que je me dis que petit guitariste de rock français qui veut jouer, et cette nana qui est pour moi... C'est une légende. une géante dans la musique, tu vois, qui vient vraiment de la musique classique, mais de la musique improvisée à partir des années 70 à New York. En 76, elle a démarré sa carrière de musicienne improvisée à New York. Et on s'est retrouvés, c'était encore en 2011. Les instances dansent en toutes circonstances, qui vivent la précarité, pas l'égalité des chances. Peuple qui SM dans les HLM, qui en prend mais dans la flemme. Toujours les mêmes. Faites sonner la sirène, visez l'abdomen. La France vous parraine. Allez-y virer tous ces indigènes de la scène. Les sans-hommes, les sous-hommes, leurs sésames, les sous-sols. Vivol dans l'alcool et le vol de papiole. Pas de bol ni d'école, guignol qui picole. Picole qui racole, idole leur petite gueule. Plaqué au mur, palpé au froc. Victime du proc, ceux qui provoquent tous les grands mots de l'époque. Qui toujours les mêmes. Tombé à terre, battu à tort. Sombré à mer, enragé à mort. Sol qu'on déplore, port du tchador, mirador pour des corps. Qui toujours les mêmes. Faites sonner la sirène, visez l'abdomen. La France vous parraine. Allez-y virer tous ces indigènes de la scène. Faites sonner la sirène, l'abdomen. La France vous paraît à désirer tous ces indigènes de la scène. Bah donc je me retrouve le mercredi à jouer avec elle. Enfin, on a fait deux albums avec Joël. On a vachement joué. Et le après le jeudi je rentre chez moi à Saint-Ouen. Le vendredi je repars et j'ai un concert avec Cyril Vigot. Donc c'est Zone Libre en duo. Zone Libre c'est duo avec des rappeurs. C'est vraiment la géométrie variable suivant les projets, suivant les albums et tout. J'ai fait beaucoup de ciné-concerts avec Cyril Vigot. C'est toujours improvisé. Donc le film est notre chef d'orchestre, on va dire. Et d'un jour à l'autre, souvent le même film, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même énergie. Tout est lié au moment. Et donc je me retrouve, alors ça peut être soit avec Cyril seul, soit avec Polyurban, The Limpo Polyurban, avec Mike Ladd au chant et Marc Namour au chant. Ce sont deux rappeurs que j'ai embauché pour monter Polyurban. J'avais besoin de deux frontman vraiment balèzes sur une musique extrêmement malléable qui puisse répondre à une plasticité totale par rapport au texte, par rapport aux longueurs, par rapport aux improvisations, qui a à voir avec la pulse des villes très urbaines comme la banlieue parisienne 93. C'est-à-dire c'est un regard sur la dureté de la vie des gens. C'est des vies difficiles, mais c'est des vies de gens qui ont une pulse très très forte et une joie de vivre très profonde, et qui communiquent cette joie de vivre quotidien, avec beaucoup d'humour, même si la vie n'est pas facile. Et donc j'ai voulu rendre hommage à cette énergie-là, à cette pulse de vie, avec une musique qui n'est pas dark du tout. Et donc en duo, on a fait cette musique qui a à voir avec quelque part l'afrobeat, influencé par Fela. C'est quelqu'un de vachement important dans la musique aussi, même si ça ne se ressent pas de façon immédiate et directe et évidente. Mais j'ai demandé à Cyril de travailler sur beaucoup de choses de ghost note, rebondir sur la caisse claire pour faire une sorte de riff qui est toujours le même, mais jamais le même, même si le pattern est le même, en répondant à des riffs en rythme impair, faire de la polyrythmie. Et donc voilà, je me retrouve le jeudi par exemple à bosser, avec le vendredi, et puis samedi c'est off, c'est très rare, le dimanche je suis chez moi, le lundi je suis l'administratif pour le label, et puis je repars en tournée, c'est une tournée permanente qui dure 20 ans, en fait. Et donc chaque semaine, en moyenne je faisais 3 concerts par semaine avec des groupes différents, et je voyage tout le temps en train, parce que je peux pas physiquement, aller chercher du matériel, à rouler en camion, et un jour je suis à 900 km de la date du lendemain avec quelqu'un d'autre. Donc je suis forcément en train, complètement autonome, avec mes valises, avec mes pédales, ma guitare sur le dos. Et le train, c'est un élément, c'est un moment génial parce que je switch de la soirée de la veille, je me mets en configuration de ce qui m'attend, la personne qui m'attend, la journée qui m'attend, l'état d'esprit dans lequel je suis. J'essaie de t'imbiber avant de... Je m'imbibe exactement de la personne que je connais, que je vais retrouver. Et qu'est-ce qu'on va se raconter? Des fois, ça m'est arrivé de revoir quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 3 mois. Donc on se voit, à la balance, on a plein de choses à se dire. Forcément, de la vie, des choses, de la musique, de tout. Et ça se dit aussi sur scène. Durant le spectacle, ça se dit là. Ça oui. Se dit pas non plus. Bien sûr. Ouais. Ouais. Tout ça ressort en permanence. C'est de la musique vivante. C'est pas de la musique à vendre, comme dit Lubat, c'est de la musique à vivre, comme dit Bernard Lubat. Et la musique, ça fait partie de ta vie depuis le début. Sans musique, t'es rien. Tu peux pas vivre sans musique. Non, comme je te disais, une journée sans musique, c'est une journée ratée pour moi. Donc je même travaille... si c'est pas la tienne. Oui, bien sûr, mais je joue quand même tous les jours. Ouais. Pour garder le... Ben, pour chercher. Je suis jamais satisfait de ce que je fais. En fait, le disque, c'est les disques. C'est les moments clés, c'est des photos. Ça va, c'est cool. Dans tous les cas, ça a un sens. Tu joues à peu près combien d'heures de la guitare pour pratiquer combien de temps? Pas pratiquer, mais tu t'amuses, tu crées combien de... Je cherche toujours, en fait. Recherche. C'est-à-dire, je suis tout le temps en recherche, mais... Si je n'ai pas de concert, je joue tout le temps, je joue 10 heures par jour. Mais... Okay. Tu as toujours une guitare. Tu as toujours une guitare dans les mains. Ouais, mais je travaille le son. Je suis dépendant de mon son. Okay. Je travaille le son depuis toujours, en fait. Je trouve que le son d'un musicien, c'est sa personnalité, le reflet de sa personnalité. Et donc, comment je peux faire? Il y a deux choses, il y a ça, premièrement. Et il y a deuxième chose qui est... très importante, c'est le langage. Donc comment faire évoluer son langage, comment enrichir son langage pour avoir un vocabulaire qui peut s'adapter à n'importe quelle situation. La musique doit s'adapter à n'importe quelle situation. Il faut savoir réagir. Voilà. Et si ça ne marche pas, c'est ma responsabilité. Donc ma responsabilité sur scène, c'est que la personne avec qui je travaille doit être confortable. Si la personne est confortable, elle me renvoie à son confort et elle met en valeur ma musique. Donc c'est, je réfléchis comme ça. Et le public, est-ce que ça permet aussi au public de devenir lui-même un musicien, un troisième musicien sur scène? Le public est là pour quelque chose? Non? Dans tous les cas, il y a une vraie... C'est pas un accessoire, le public, c'est... Pas du tout accessoire, non, pas du tout. Au contraire, c'est compliqué parce qu'on joue pour soi, mais on joue pour le public aussi. Oui, c'est ça. Donc, le public retourne aussi cette énergie-là. Bien sûr. Donc le public renvoie l'énergie, on la sent, on la capte, on la... Si tu veux, mes improvisations, ça se passe comme ça, très simplement, avant de rentrer sur scène, je ne sais pas ce que je vais jouer. Donc je joue le jeu de ne pas savoir, ce qui demande d'avoir une qui demande de plus avoir le trac. Il est disponible en tout cas. Le trac, c'est compliqué parce qu'à la fois, c'est quelque chose que je ne connais plus depuis longtemps maintenant. À force de jouer, tu perds en fait cette notion-là parce que tu n'as plus le temps pour ça. Comme tu joues tous les jours, tu n'as plus le trac, tu bosses. Je suis disponible à ta musique. Et ça va jusqu'au point que j'étais tellement en concert pendant 20 ans que j'habitais sur scène. C'est-à-dire, c'est ma piole. Je rentre dans ma piole. Comme dans ta piole, dans ton appart, c'est ta chambre, quoi. T'es chez toi. Et tout d'un coup, tu as plein de gens devant toi. Donc ça demande beaucoup de temps en fait pour arriver à avoir une tranquillité qui fait que tu flippes pas en te disant putain comment faut que je commence ce concert. Donc tu vas chercher des aides en te disant je vais commencer par telle mélodie, tel accord, ça va me mettre bien, ça va me rassurer en fait. Donc je suis plus du tout là-dedans, c'est-à-dire je me couche en fait. Je me couche sur scène, en fond de scène, j'en vois pas. Je reste un moment, généralement c'est court, hein. 5 minutes ça suffit. Et j'écoute les gens, souvent ils tchatchent très fort. Donc ça j'aime bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités, les gens sont actifs ils sont prêts à être réceptifs en fait. Donc j'écoute les gens si je suis dans une salle et ça détermine comment je commence. Okay. Si je suis dehors, là c'est tout qui joue, beaucoup les animaux. S'il y a des animaux, je réponds facilement aux animaux par des sons qui ont à voir avec des sons d'animaux. Juste par joie et par fun. Ça peut faire marrer les gens. Des fois, ça les laisse un peu dans une sorte de questionnement. Et ça me permet d'avoir une relation avec eux qui est assez chouette. c'est des musiciens eux aussi, à leur manière. Oui, bien sûr. Alors, je dis ça parce que ça m'est arrivé plein de fois avec le peintre, de, qu'on se retrouve des fois au jour en extérieur. On s'est retrouvé dans des endroits avec, avec pas mal d'animaux autour de nous, bien sûr beaucoup d'oiseaux, c'est facile de répondre aux oiseaux, ils répondent aussi. Donc voilà, tout joue si tu veux. C'est vraiment un ensemble. Alors tu t'imbibes de ce qui se passe autour de toi. Ouais. Et ça, tu as toujours fait ça. Mm-hmm. Tu as toujours été disponible à tout. Ouais. Tu sais jamais comment ça va se terminer. Non, je sais pas. Je sais pas. Et ce mais quand tu sors de scène, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le résultat finalement. Même si c'est important de savoir, d'avoir conscience que ce que tu as donné, bien évidemment. C'est important. Après les concerts, je sors de scène, je vais voir les gens tout de suite, parce que je vends mes disques. Okay. Donc, dans l'instant où je sors de scène, de tumeur, je leur dis, vous partez pas comme ça, on se retrouve après, etc. Donc, je vais tchatcher avec les gens et tout. C'est super important, c'est des bons moments d'échange et tout, c'est très sympa. Mais évidemment, tu as envie de faire un bon concert pour soi-même, évidemment. Mais, tes potes, mais aussi pour le public, évidemment. Mais finalement, le plus important, c'est pas tant le résultat, c'est un résultat, ou si c'est un résultat, il est plus global. C'est sur des dizaines d'années, en fait. C'est plus une histoire de chemin, de parcours, en fait, qui m'intéresse. Je pensais pas comme ça avant, mais comme je commence à avoir beaucoup joué, je m'aperçois que c'est ça qui fait sens, finalement. Si t'es rendu là, c'est pas pour rien. C'est ce trajet-là qui t'a amené jusque-là. Ouais. Mais toutes les histoires de plantes, en fait, où on se trompe, où on cherche, où on ne trouve pas, on efface, on recommence tout le temps. Je suis quelqu'un qui recommence en permanence. Comme je disais, je ne suis pas satisfait, je recommence tout le temps, en fait. C'est jamais acquis parce que la musique m'échappe en permanence. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas et que je ne maîtriserai jamais. Et c'est sur l'intérêt. Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien des fois être un peu tranquille, mais je peux pas être tranquille en fait. Je peux pas être tranquille parce que c'est tellement. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte pour faire un bon concert. Que par exemple faire un bon concert en musique improvisée, c'est pas facile parce que c'est vraiment de la composition sur le moment. Admettons qu'on fait un très bon concert. Admettons. Le lendemain on a un autre concert. On se dit, bah hier j'étais bon, donc je vais reprendre des éléments de ce que j'ai fait hier. Ça, c'est la pire des erreurs à faire. Parce que là, tu t'assises sur tes lauriers. Voilà, et donc en fait, tu perds toute ta spontanéité, Et il y a un mécanisme que tu ne veux pas avoir, puisque non. Tu fais de l'improvisation. Non. Donc là, t'es déjà mort. Tu perds ta sincérité, en fait. Si tu perds ta sincérité quand tu es en improvisation, ton long. La flamme. Dans tous les cas, ton propos ne tient pas debout. Non. Et on dit, t'as pas la flamme, t'as pas le... Mais en fait, ton propos tient pas la route. Non, non. Donc, t'es dans une redite. Donc, en fait, faut accepter c'est tout le temps... C'est le déséquilibre qui amène l'équilibre. Ouais, bien sûr. Ouais. Il faut être déséquilibré. Ouais. C'est important. Ouais. Et par contre, avoir quand même toujours un pied, faut pouvoir marcher sur une jambe, en fait. Mais c'est ça, c'est qu'il faut se trouver loin du confort. Parce que c'est ce certain confort-là qui malheureusement, peut trahir. Ça, c'est encore. C'est même. Je suis même pas sûr de ça, parce que tu vois, Interzone, il y a beaucoup de compositions en fait. C'est pas de l'improvisation, Interzone. Il y a une marge d'improvisation dans nos morceaux, mais c'est des morceaux. Mais si tu interprètes mal un morceau, il est nul. Tu as beau jouer les bonnes notes, jouer dans les bonnes cases, et tout ça, ça n'a pas de sens non plus. Donc, l'interprétation est aussi importante que la composition. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça m'a posé la question aussi. Tu as des très bons interprètes qui ne composent pas. Et c'est des gens qui, pour la musique en général, sont aussi importants que. Enfin, je veux dire, il ne faut pas mettre le compositeur comme étant l'élément central de tout. Je suis contre cette idée-là. La musique orale, de toute manière, c'est 80% des gens qui jouent de la musique. Sur la planète, c'est oral. Pourquoi ils seraient moins bons que les autres? Non! Quelqu'un qui pratique l'instrument depuis pas longtemps, depuis un an, même quelques mois, peut être aussi bon que quelqu'un qui pratique depuis très longtemps parce qu'il a quelque chose à dire. Même si c'est un langage qui est rudimentaire, L'important, c'est que son propos il soit sincère et qu'il ait du sens. Même la recherche, toujours la recherche. Jamais prendre ça pour acquis. Je peux pas. Je peux pas parce que j'apprends toujours. J'apprendrai toujours, en fait, tu vois, c'est sans fin. C'est un truc sans fin, bien évidemment. J'apprendrai toujours d'autres gens. Est-ce que tu vois... Est-ce que dans ton cas, la progression existe? Puisque tu es dans l'improvisation. Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'il y a quoi, tu dis? Progression. Tu sais, on peut dire que... Un rocker fait une progression musicale, il y a quand même une recherche. Mais comme tu es dans l'improvisation, est-ce qu'à chaque fois, c'est se lancer dans le néant et essayer de récupérer quelque chose à la fin? C'est exactement ça. Après, j'ai une technique, si tu veux, parce que mes improvisations sont structurées. Donc. Okay. Elles sont structurées de par mon langage, de fait. Comme en ce moment on est en train de parler, ouais. C'est structuré, notre langage est structuré de par notre pensée, de par qui tu es, de qui je suis. En fait, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai un langage que j'utilise et j'utilise après deux choses qui sont extrêmement simples, c'est tension, relâchement. Tension, relâchement. Donc ça, c'est le principe de la vie. La tension crée de l'électricité, crée un propos, crée... quelque chose, une direction, quelque chose vers lequel tu vas, un intérêt, une qualité d'écoute de la part des auditeurs. La tension dans mon jeu est vitale. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de musique pour moi. Est-ce que c'est dans le relâchement que tu as de l'improvisation? Non, dans la tension aussi. Okay. Exactement pareil. Okay. Les deux, l'improvisation, elle est dans les deux. Donc, en fait. Okay. Mais par contre, le relâchement est vachement important parce que ça permet de pouvoir avoir une pensée qui est relâché pour laisser respirer de la part de moi en tant que compositeur, mais de la part aussi des gens qui m'écoutent. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un ventilateur? Ouais. Ça permet de souffler. Oui, ouais, bien sûr. Oui, c'est une belle image. Ouais. C'est vrai. C'est assez ça. Et après, là, je travaille avec un gars qui fait des films en trois dimensions. Ouais. J'ai de l'appétence pour les jeux vidéo depuis toujours. Ouais, ouais. Je suis gamer, pas assez, parce que j'ai pas le temps de jouer. Ouais. Mais des fois je joue, mais très rarement. Mais je suis quelqu'un qui a pratiqué quand même l'univers des pixels, si tu veux. Okay. Et j'ai aimé me perdre dans les problèmes que peuvent avoir certains jeux, de bugs. Et j'ai trouvé ça intéressant. Mmh. Parce qu'après, c'est une promenade dans les pixels. Et ça questionne le rapport au temps, le rapport à l'espace. Donc, j'ai évolué avec un avatar dans des jeux en monde ouvert, par exemple, dans ce monde du pixel, pendant des années. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus, sur ce qui se fait, sur les avancées. Au dehors, les chiens se frottent aux herbes sages. Souhaite j'ai rencontré Thibaut Brunet, qui est un gars qui vient des arts plastiques et qui fait des films en 3D, par exemple. Et j'ai eu une commande du Festival des Suds à Arles de rencontrer ce gars et faire une création avec lui. Donc on joue le 10 juillet à Arles pour le Festival de la photo. Et il vient de faire un film de 42 minutes sur l'effondrement d'un immeuble à Marseille. C'est vrai. Qui a eu lieu en 2018-2019, je crois. Okay. Et donc ça questionne le logement, la qualité des logements, ça questionne le social, évidemment. Qui sont ces gens, pourquoi ils sont là, comment ils vivent, etc. Et la qualité donc, des bâtiments, et cet immeuble s'est effondré. Et donc il est allé faire tout un travail de recherche et de film là-dessus. Et moi je réponds en musique, donc là je me trimballe pas avec un avatar dans ce monde de pixels, je me trimballe avec du son. Donc là j'improvise en fonction du film qu'il m'a envoyé il y a deux jours. Et puis qu'est-ce que ça te dit toi quand tu regardes ça? Ça t'interpelle? Tu sens que ta guitare peut parler? Il y a un dialogue? Non, ouais, mais en fait, si tu veux, quand j'ai dit oui pour travailler avec ce gars, je suis allé voir avant. Oh oui, ben oui. Des choses qu'il avait faites. Et c'est un gars qui a fait tout un travail de recherche sur Minecraft, ouais. Ce jeu vidéo. Ah oui, connais. Et donc, il y avait une expo de son travail au Centre Pompidou à Paris, là. Et je me suis posé pendant deux heures devant ce travail et je me suis laissé imprégner par son travail. Après, il m'a envoyé des vidéos. Ce qu'il avait fait, il m'a envoyé plusieurs directions, il m'a demandé quelle direction j'aimais. Je me parlais, je lui dis, ben, cette direction-là me parle, univers en 3D. J'ai beaucoup de choses à dire en réponse à ton travail. Et donc voilà, là je me trimballe, je me balade dans son univers. Et donc par rapport à la tension-relâchement, donc il y a de la tension parce que le propos est tendu. Ce propos d'effondrement ouais. D'immeubles et tout ce que ouais. Ça veut dire et tout ça, voilà, il y a des gens, les gens sont au centre, forcément. Mais otages, après, tu rentres dans des... Comme ça questionne l'espace et le temps, les relâchements peuvent aller jusqu'au calme absolu. Okay. Doivent aller jusqu'au calme absolu. C'est important d'arriver jusque-là. Ça permet à l'image de respirer à 100%. Ah oui, le silence. Donc il ne reste plus qu'un fil d'harmonique, ça prend un chaos, il ne peut rester plus que ça au bout d'un moment. Alors là, dans ton silence, il va y avoir un flux d'image silencieux. Voilà, et puis après, c'est des choses qui remontent, l'énergie remonte, c'est comme des vagues. Comme l'océan, enfin, il y a des choses comme ça, très des énergies très très simples, hein, finalement, très humaines. Mais je ne fais pas la même musique pour lui que pour avec quelqu'un d'autre, parce que c'est lui. Oui. Donc, est-ce que lorsque tu tombes dans un... Lorsque tu acceptes un projet, est-ce que tu te surprends quelquefois? Ben, j'espère. C'est ça que je recherche. C'est-à-dire que il m'amène à des endroits où je ne veux pas aller. Autrement. Je ne peux pas y aller, sinon. Je ne peux pas y aller avec cette rigueur-là. Je peux y aller par chance, par errance, et je ne retiendrai pas forcément, en fait. Parce que la musique, elle est passée, elle vient d'être jouée. Donc, comme j'enregistre pas ce que je fais, j'enregistre jamais mes improvisations. Mais ce qui m'intéresse, donc, c'est de jouer le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Et plus tu joues en improvisation, tu as des réminiscences de tes improvisations qui ramènent des éléments de langage. Mais pour ça, ça veut dire jouer et faire des centaines de concerts. Ouais. Voix sans corps, corps sans épaisseur et sans poids, visage sans dimension. Existence sans date, une vie, la vie, c'est devenu des signes sur du papier, des sillons sur la cire, du noir et du blanc sur 10 écrans, des mots tombant plus sur 50 millions de demeures, des signes sur du papier, des sillons sur la cire, du noir et du blanc sur 10 écrans, des mots tombant plus sur 50 millions de demeures, notre destin de chair est absorbé par notre destin d'ombre. We'll be right back. marque d'apéritif propage les mots d'ordre d'un dictateur. Des visages de boxeurs, de grues, de chefs d'État obsèdent pêle-mêle les mémoires, nourrissent l'exaltation quotidienne. Tout s'égalise, se confond dans la même irréalité émouvante. On ne peut plus distinguer les valeurs, les tailles. Encore, corps sans épaisseur et sans poids, visage sans dimension, existence sans date, une vie, la vie, c'est devenu des signes sur du papier, des sillons sur la cire, du noir et du blanc sur 10 000 écrans, des mots tombant en plus sur 50 millions de demeures, des signes sur du papier, des sillons sur la cire, du noir et du blanc sur 10 000 écrans. En plus de 50 millions de demeures, des signes sur du papier, des signes sur du papier, des sillons sur la cire, des sillons sur la cire, du noir et du blanc sur un écran, sur un écran, des mots tombant plus de 50 millions de demeures, des signes sur du papier, des signes sur du papier, des sillons sur la cire, des sillons sur la cire, du noir et du blanc sur un écran, sur un écran, des mots tombant plus de 50 millions de demeures, des signes sur du papier, des signes sur du papier, des sillons sur la cire, des sillons sur la cire, du noir et du blanc sur un écran, sur un écran, des mots tombant plus de 50 millions. L'intérêt de ce spectacle-là, c'est aussi l'atteinte visuelle et l'atteinte sonore en même temps. C'est l'osmose des deux. Oui. Et c'est de là l'intérêt aussi de ce silence qui aurait peut-être un autre dialogue s'il n'y avait pas l'image qui tout pourrait à fait. Coller tout à fait. Là-dessus. Bien sûr. Après, tu peux faire de la musique qui est... pour une sieste musicale, j'en sais rien, tu vois, juste pour que les gens regardent les étoiles, je ne sais quoi. Bien sûr, jamais fait, mais oui, après, la musique sans cette image-là, elle a une autre valeur. Elle raconte autre chose, de fait. Alors, l'image que tu voyais dans ce vidéo-là te correspondait et tu trouvais que ça pourrait transcender la musique? Transcender, je ne sais pas, mais... Ben, c'est transcendé. Le silence n'aurait pas ce même impact-là. Parce que le silence peut être lourd. Peut-être, c'est aussi un jeu. Oui, ouais, il faut laisser. Ouais. On voit le côté intellectuel, mais il faut aussi s'abandonner à la ludicité. C'est obligé, sinon. Ouais, ouais. Ça devient trop. On se prend la tête. C'est-à-dire que je conceptualise beaucoup ce que je fais. Oui, on en parle. Mais dans l'instant présent. C'est un jeu. C'est du jeu. Mais ça a été travaillé avant, c'est pas du bien jeu. Sûr. C'est improvisé, oui, mais intellectuellement, non. C'est conçu quelque part, bien sûr, c'est un langage. Donc oui, ça tombe pas du plafond. Non, en fait, c'est quoi. Ça, ouais, exactement. Ouais. Heureusement. Tu vois. Il y a beaucoup de travail derrière. C'est pour ça que quand tu vois des gymnastes toujours sourire, on serait même pas capable de faire le trois quarts. Bien sûr. Parce que ça semble facile, mais il y a beaucoup de travail. Il y a Picasso, à un moment donné, est-ce que tu connais l'histoire de la vieille dame et son chien et Picasso? Picasso rencontre une vieille dame, la dame lui demande de lui tirer le portrait. « Ouais, venez chez moi. » Bon, elle monte à l'étage. Et puis là, ben, installez-vous. Puis deux, trois minutes, il lui montre et dit ça, c'est moi. En deux, trois minutes, ouais, mais il y a 65 ans derrière. Ouais. Voilà, c'est ça. T'sais, c'est juste deux, trois minutes. Ça, c'est juste l'esquisse que tu crois, aussi simple. Mais en arrière, il y a tellement de travail. C'est comme ce que le projet. Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de travail. Et quand on voit un musicien, là, vraiment, il a l'air vraiment à l'aise avec son instrument. Mais ce côté, l'entité de ton instrument fait partie de toi. Oui. Parce que tu es né avec. Ben, j'ai grandi avec, c'est partie de moi. On peut presque dire que ta mère t'a lâché avec ta guitare. J'ai commencé à l'âge de 9 ans. Oui, c'est ça. Et ça s'entend. Et j'ai su avant de monter mon premier groupe que ce serait avec cette guitare en fait, que je passerais ma vie. C'est un truc que j'ai su très jeune. J'étais nul à l'école, rien m'intéressait d'autre que la musique en fait. Donc c'est un appel de la musique, je réponds à un appel, tu vois. C'est quand même quelque chose qui m'a plongé dès mon enfance, d'écouter de la musique dans des états que je ne connaissais pas, des états de joie ou d'extase que je ne connaissais pas du tout ailleurs. Et donc j'ai répondu à une nécessité de survie. De survie, je ne sais pas, c'est le mot un peu fort, tu vois, mais, ben. Dans tous les cas, je me suis dit, j'en ferai ma vie en fait. Mon métier, je sais pas, mais du coup c'est devenu mon métier, mais c'était un élément central de ma vie dès que j'étais enfant. Et c'est resté. Mais ça t'a peut-être sauvé de la mort sans le savoir. Quand tu es passionné par quelque chose, tu ne penses pas à la condition de l'homme. Tu peux y penser, mais c'est ça qui va te garder vivant, la musique. Ça me garde en vie, bien sûr. Et chez toi, est-ce que tu es du genre à collectionner des guitares ou tu es fidèle? Non, pas du tout, je m'en fous totalement. Toi, il n'y a pas de hiérarchie guitaristique, il n'y a pas de... Non, c'est-à-dire, j'ai ma guitare, que j'ai achetée en 80, Stratocaster. Et en fait, j'ai essayé d'autres guitares, j'ai des Gibson, j'ai des Les Paul, j'ai quelques guitares, j'en ai pas tant que ça. Mais... Zen? Mais en fait, je suis revenu toujours à cet instrument parce qu'il me correspond, et dans le son, et dans la maniabilité, dans le poids, comme je la porte tous les jours. Soit pour jouer, soit sur le dos, c'est important en fait, tu vis vraiment avec. C'est mon outil de travail, comme tu enlèves le marteau à un menuisier, comment il fait, tu vois, c'est son marteau, il le connaît. C'est exactement comment on le manie. Donc pour moi, c'est un outil de travail. Si on m'enlève mon outil de travail, je ne suis pas bien, je suis mort. J'en trouverai un autre si j'avais plus cette guitare. J'en trouverai une autre. Ouais. Ça serait compliqué, mais je me débrouillerai. Forcément, on se débrouille toujours. Parce que la vie, elle pousse de toute manière, dans tous les sens, elle pousse quand même. C'est ça qui m'intéresse. C'est toutes les jeunes pousses, en fait. C'est tous les bourgeons qui sont intéressants. Ouais. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est comme, tu vois, les jeunes. J'ai toujours pensé ça, que toutes les générations qui remettent en question en permanence les anciennes générations sont toujours vitales pour qu'on puisse évoluer dans, j'espère, bon sens, au moins l'humanité, quoi. Je suis contre le conservatisme. Non, ouais. Toute forme de conservatisme, en fait. Ouais, parce que ça amène un faux confort. Tout ce qui est bourgeois, le confort bourgeois, c'est quelque chose qui est terrible en fait. Ici, c'est très bobo. Bourgeois, c'est pas forcément bobo, bourgeois, c'est ce qui est conservateur. Les idées qui sont conservatrices, c'est-à-dire ça devient rance, ça devient fermé. Et c'est-à-dire que c'est les portes qui se ferment au monde. C'est vrai que quand tu as les jeunes de 20 ans, on a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette puce de vie. De vouloir changer le monde, et tant mieux. Et les considérations que les jeunes peuvent porter sur la politique, sur le monde actuel, sur l'écologie, sont d'autant plus importantes maintenant que tout va très vite à tous les niveaux. Vous, au Canada, vous avez des gros problèmes d'incendie. Oui, au Québec. Québec, c'est monstrueux. Ben, en fait. L'endroit le plus au monde le plus vraiment pris par la pollution, c'est Montréal actuellement. J'ai vu ça, c'est hallucinant. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est de dire sans tricher ce malheur mou, ce malheur bête où nous pataugeons. Ces planchers immondes où tu frottes tes fesses de sous-inspecteur. Au moins, quand on vit ce malheur-là, tout devient clair. Tout ce qu'on nous cachait, il nous laissait croire au moral, au musée, au frigidaire, aux droits de l'homme. Et la vérité, c'est l'homme humilié, l'homme qui ne compte pas. Fini le temps des phrases. La vérité, c'est la faim, la servitude, la peur, la merde. Comme aux pires époques, on n'en est pas sorti des pires époques. Elle est jolie, leur Europe. Ce type qui gueule dans la neige, le ventre ouvert parmi des mécaniques défoncées. Ces esclaves qu'on pousse sur les routes à coups de crosse. Et nous autres qu'on a mis à pourrir là, dans ce village de baraques haillonneux et désespérés au centre de cette Europe de neige et de nuit. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.